rouler à 100 à l'heure. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Tant de gens sont devant moi. Ça me met dans tous mes états. Je n'aurai pas le temps. Je n'aurai pas le temps. Ça y est, je suis en retard. Et j'ai pas pris mon café noir. Je n'avais pas le temps. Je n'avais pas le temps. Ça bouchonne dans tous les sens. Je vais prendre par la voie d'urgence. Car je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le temps. J'ai pas envie de toujours courir. J'ai pas envie de toujours être en retard. Je vois